coup. Rien à voir avec les cigales qui, elles, ont des cymbales. Rien à voir avec les criquets, les sauterelles, où il y a des histoires d'ailes, de pattes, etc. Là, c'est les ailes. Et ces ailes qui sont membraneuses, il y en a une qui frotte contre l'autre, avec une râpe et un archer. Et à ce moment-là, ça émet ce bruit qui est vraiment impressionnant pour un aussi petit insecte. On l'entend parfois extrêmement loin. On a mesuré au niveau des décibels. Ah, je pourrais pas vous dire. C'est possible. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce son qui vous berce. Vous avez l'impression que c'est l'été qui se prolonge. Il pourrait se prolonger donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Éventuellement, ça dépasse un peu sur novembre. Tout dépend de la météo. S'il y a une vague de froid qui arrive, tout le monde va s'arrêter de chanter. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je pensais qu'il se déclenchait en fonction de la température. Rien à voir. Alors, les insectes ont une activité qui est fonction de celle de la température. Plus il fait chaud, plus ils sont actifs. Quand il y a du frais, au contraire, ils se terrent un petit peu. Là, vous avez des chances de les entendre, ces grillons à deux taches, qu'on appelle comme ça d'ailleurs, parce qu'ils ont deux points jaunes qu'on distingue très facilement. C'est que dans les villes, il y a ce fameux effet de ville qui fait que vous avez toujours 2, 3, 4 degrés de plus qu'à la campagne. Ah, et du coup, il y en a plus. Et il y en a plus. Je les mets en photo, évidemment. Ces beaux grillons provençaux à deux taches sur francebleu.fr et sur notre appli ici. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous avez, chers amis, des photos de grillons, n'hésitez pas à les partager sur le Facebook de France Bleu Vaucluse. On vous retrouve, Nathalie, demain matin à 6h25. Vous nous parlerez de la migration d'un magnifique rapace, le Milan Royal, qui survole le Vaucluse en ce moment. Après les grillons, après le Milan, voici les chèvres tout de suite, avec Christian qui nous a appelé. Merci à vous, Christian, pour nous signaler des animaux, des chèvres en l'occurrence, qui ont dû s'échapper de quelque part, d'un parc ou je ne sais quoi. Et elles sont sur la voie rapide entre Carpentras et Avignon, du côté de la zone du Coucu à Entraigues. Soyez prudents si vous traversez cette zone dans un sens ou dans l'autre. En plus, on est là-bas sur du 110 km/h, si ma mémoire est bonne. Donc soyez prudents, il y a des chèvres qui sont sur la voie rapide. Essayez si possible d'être prudent, puis de faire attention aux animaux qui ne font que traverser, qui doivent être un petit peu perdus, en espérant que leur berger ou leur chevrier les récupérera très rapidement. Merci à vous, Christian. Comme Christian, si vous avez des infos trafic, n'hésitez pas à nous joindre au 04 90 14 04 04. Vous êtes nos patrouilleurs et vous êtes prioritaires sur France Bleu Vaucluse. Voici Talk Talk, It's My Life à 16h19 pour vous souhaiter un excellent mercredi en notre compagnie. depuis de la liberté. Salma, ya salama, je te salue, ya salama. Salma, ya salama, je reviendrai, des salama. Énorme des sables, des plaines sans âme, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul paradis. Salma Ya Salama, 16h26 sur France Bleu Vaucluse. Le 16-19 France Bleu Vaucluse, ici, on parle d'ici. Et quelques idées de sortie avec une expo qui vous ramène sur les bancs de l'école. C'est à Apt, ça s'appelle Blues, cartable et tableau noir à la Microfolie Apt, rue Sely, à voir jusqu'au 3 novembre. Ce sont les archives municipales d'Apt qui présentent cette exposition avec beaucoup de documents, de matériel scolaire d'époque et des photos de classe, et aussi pour mieux connaître les écoles aptésiennes et leur histoire, les grandes lois qui ont marqué l'enseignement primaire en France. Et si vous êtes d'Apt, vous aurez peut-être la possibilité de vous reconnaître sur les photos exposées. Nous allons à Avignon pour la promenade photographique qui est au Jardin des Dons et qui se prolonge en raison du succès. Avignon, côté jardin, s'est prolongé jusqu'au 15 novembre, l'occasion de revoir, 50 ans après la disparition de Jean Villard, des photos en grand format, une trentaine de photos avec tous ceux qui ont fait le Festival d'Avignon depuis sa création, l'aventure du Théâtre National Populaire, le TNP jusqu'au 15 novembre, au Jardin des Dons, cette promenade photographique, et puis enfin, un Raid Aventure samedi à Cavaillon, ce Prox Raid Aventure, animation citoyenne, activités sportives, rugby, boxe, sport, escalade, foot, encadré par des policiers bénévoles et proposé gratuitement aux jeunes à partir de 8 ans. Le but, c'est d'organiser des rencontres privilégiées entre les jeunes et les policiers pour discuter et pour répondre aux interrogations réciproques. Ce samedi 14h à 17h sur la base de loisirs du Grenouillet à Cavaillon. Avant de retrouver votre info trafic, on écoute Grégoire sur France Bleu Vaucluse avec sa toute dernière chanson sur France Bleu Vaucluse dans cette fin d'après-midi que nous vous souhaitons excellente en notre compagnie. Voici Vivre. Oui mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. Vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir, oui mes amis, nous allons vivre. Grégoire, c'était Vivre sur France Bleu Vaucluse, sa nouvelle chanson juste avant votre infotrafic. France Bleu Vaucluse matin, on se réveille de bonne humeur. France Bleu Vaucluse le matin, ça fait du bien. C'est beau et bobo, mais pour une quinzaine d'habitants permanents, il doit y avoir 863 magasins, ateliers et shops qui vendent du savon, des cigales en céramique, des sachets lavant, donc je pense qu'il faut écouler du stock. Voilà. Vous l'avez compris, sans être baba des beaux, j'ai trouvé ça beau, surtout le bao, sur lequel on trouvait autrefois non pas des bobos, mais des babas cool, d'où son appellation ancienne de bao au bab. Mais qu'est-ce que vous prenez au petit-déj, Médéric? Je veux prendre la même chose que vous. Du café. France Bleu Vaucluse matin, demain, dès 6h. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Vaucluse, ici, on parle d'ici. Votre info trafic en ce mercredi après-midi, la voie rapide des Carpentras-Avignon est chargée. Je vous rappelle cette info trafic que nous avons eue il y a une dizaine de minutes via Christian. Vous avez des animaux à poil ou à laine d'ailleurs, plutôt à poil d'ailleurs, les chèvres qui sont a priori dispersées sur la voie rapide du côté d'Entraigues. Faites attention si vous circulez là-bas entre Carpentras et Avignon, du côté d'Entraigues dans les deux sens. Soyez prudents et ralentissez. Il y a des animaux un petit peu égarés. Faites attention à eux et à elle, si possible, le temps qu'elle rentre au bercail. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme infotrafic? La rocade d'Avignon, la rocade de Charles de Gaulle qui est bien chargée, le rond-point de Bompas qui lui est particulièrement chargé cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis Comont-sur-Durance, pour passer sous le pont de Bompas, rejoindre l'échangeur d'Avignon Sud, vous avez une bonne dizaine de minutes de ralentissement. Quand vous arrivez de Neuve également, c'est compliqué pour prendre le rond-point, ça roule plutôt un peu plus correctement quand on arrive de la route de Marseille pour passer sous le rond-point pour joindre l'échangeur d'Avignon Sud. Votre infotrafic, elle est prioritaire. Vous n'hésitez pas à la partager avec nous au 04 90 14 04 04. Le 16-19, France Bleu Vaucluse. Le 16-19. Très heureux de vous accompagner du lundi au vendredi, le 16-19. Des idées de sortie, des jeux, des invités portraits qui nous rejoignent. Tiens, il va y en avoir un dans quelques instants à 16h50 qui va vous permettre d'emporter des invitations pour un super spectacle intitulé Le Loup est revenu. C'est ce samedi 21 octobre à 15h à la salle de l'Étoile à Château-Renard. Vincent Kerr est l'un des comédiens et nous aurons un passe-famille à vous offrir. Sans oublier l'invité qui fait du bien, que nous retrouvons juste après Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, à 16h33. Brivido, sì. che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. Eros Ramazzotti sur France Bleu Vaucluse à 16h37. Le 16-19, France Bleu Vaucluse. Le 16-19. Du lundi au vendredi, le plaisir d'avoir, grâce à Pascal Lorenz, le matin sur France Bleu Vaucluse et sur France 3, des invités qui vous font, qui nous font du bien. Et ce matin, Pascal recevait Gilles Le Gardinier, écrivain, scénariste, réalisateur et bien d'autres choses pour le panel d'activités de Gilles Le Gardinier. Le film complètement cramé, projeté en avant-première ce soir au cinéma Cap Sud, est adapté du roman du même nom de Gilles Le Gardinier. Le cinéma et lui, c'est une longue histoire d'amour. Elle a débuté aux États-Unis et en Angleterre, quand vous aviez, Gilles Le Gardinier, 14 ans. La passion, le cinéma m'a marqué quand je suis allé dans les salles et que j'étais gamin. J'allais voir avec mes parents le Disney de l'année. Et j'ai été frappé non seulement par ce qui se passait sur l'écran, qui me fascinait, mais par le fait que des gens qui ne se connaissent pas s'alignent en rang d'oignon devant un écran pour recevoir. On est des bêtes rigolotes quand même. Mmh. Juste se réunir, les gens se mettent côte à côte et ils reçoivent des émotions, toutes sortes d'émotions. Et ça m'a marqué à vie. Et en fait, j'ai jamais eu une vocation à me mettre devant, mais j'avais envie d'aider les gens qui fabriquaient ça à le faire. Donc je me suis orienté vers le cinéma. Il n'y a plus beaucoup de place sur votre carte de visite parce qu'il y a plein de trucs dessus. Vous avez été aussi maquettiste, modèle réduit, assistant de production, repéreur. Vous cherchiez donc des décors pour faire des tournages. Vous avez travaillé dans la pyrotechnie, vous avez fait de la pub, monté des bandes-annonces, fondé une agence de com. En fait, vous êtes un boulimique d'émotions puisque vous dites d'ailleurs que vous avez la volonté de fabriquer des émotions qui se partagent. Ouais, j'aime bien l'idée. J'ai mis longtemps à définir ce que je voulais, mais en fait, ouais, je cours après ça. Ceux qui vous lisent savent que tous vos romans commencent par la même phrase. Il faisait nuit, un peu froid. Ouais. C'est votre marque de fabrique, ça. C'est bon, il était une fois, moi. Ouais. Vous dites que cette phrase constitue déjà un décor. Comment elle est venue l'idée de commencer d'abord le premier roman par cette phrase ? Alors, dès le départ, je l'ai voulu parce qu'en fait, j'ai utilisé la phrase en créant le texte la première fois. Et je me suis dit qu'elle fonctionnait tellement bien que ce serait marrant d'arriver à la caser tout le temps pour en faire mon « Il était une fois ». Mais c'est vraiment le texte qui l'a créé. Et après, je me suis, en prenant un peu de recul, je me suis dit « Mais faut que je le garde ». Une anecdote de tournage peut-être, un moment sympa comme ça qui vous est resté en mémoire. Oh, il y en a tellement. John est un type absolument fabuleux. Et pendant qu'il travaillait son français, parce qu'il fallait absolument qu'il soit parfait sur les répliques, on lui apprenait la totalité des insultes françaises. Parce que John est un homme cultivé. Oui. Donc il est reparti avec un bagage supplémentaire. Oui. On est très très fiers de lui avoir apporté ça. Préféré, Ouais, et le soir, quand il quittait le plateau, sa grande phrase était « Salut les ploucs !» Vous avez un autre exemple? C'est John Malkovich. Non, après, on lui a vraiment balayé tout le créneau. Donc il y avait du grave et tout. Il nous demandait très sérieusement à quel moment on disait ça. Est-ce que tu dis ça, un feu rouge, quand quelqu'un grille la priorité? Mais ce type est d'une curiosité, d'une humanité. Avec un nouveau roman, Mon tour de manège, sorti le 4 octobre. Ce soir, avant-première au Pâté Capsule à 20h30, en présence de l'équipe. Au Pâté Capsule à 20h30, de complètement cramer ce film de Gide Le Gardinier. Allez, une info trafic tout de suite qui vient d'arriver. Nous disions que tout à l'heure sur le pont de Bompas, c'était particulièrement bloqué. Et pour cause, nous venons, grâce à vous, chers amis, à vos infos trafic au téléphone, d'avoir la confirmation que sur le pont de Bompas, au milieu du pont de Bompas, en direction d'Avignon, la route est bloquée car il y a un accident grave a priori, impliquant trois voitures. Si vous avez la possibilité d'éviter le secteur peut-être et de ne pas sortir à Avignon Sud mais plutôt à Avignon Nord et puis de peut-être passer par Caumont pour rejoindre Avignon mais ne pas passer par le pont de Bompas le temps que tout cela rentre dans l'ordre en espérant que ce ne soit que de la tôle et qu'il n'y ait pas trop de soucis avec cet accident grave de trois voitures que vous nous avez signalé. Merci à vous, c'est sur le pont de Bompas en direction d'Avignon et la route est bloquée. On écoute Phil Collins et In the Air Tonight sur France Bleu Vaucluse. Avant de donner 3 minutes pour convaincre à Vincent Kerr, c'est l'un des comédiens du Loup est revenu. C'est ce samedi 21 octobre à la salle de l'Étoile de Château-Renard à 15h. Une jolie proposition artistique en direction des enfants à partir de 3 ans. Nous aurons plus de plaisir juste après l'intervention de Vincent en direct de vous offrir des invitations pour un passe-famille pour aller vous régaler ce samedi à Château-Renard. Oh, Extrait de Face Value, le premier album solo de Phil Collins. C'était In the Air Tonight à 16h46 sur France Bleu Vaucluse. Restez avec nous. Nous avons une nouvelle à vous annoncer. Le loup est revenu et il arrive. Rejoignez la joyeuse tribu des auditeurs Cigales de France Bleu Vaucluse. Vous êtes investi dans votre commune, votre quartier? Vous avez envie de nous raconter ce qu'il s'y passe, les événements, les projets? Vous êtes fan du Vaucluse et nous sommes fans de vous. Devenez une cigale et intervenez sur France Bleu Vaucluse. Inscription au 04 90 14 04 04. France Bleu Vaucluse, toujours plus proche de vous. Le 16-19, France Bleu Vaucluse, France Bleu Vaucluse. David Perron. Du lundi au vendredi, 3 minutes pour vous convaincre d'aller vivre une vraie belle proposition artistique sélectionnée par France Bleu Vaucluse. Avec nous, Vincent Kerr, pour une proposition qui a lieu ce samedi à 15h à la salle de l'Étoile de Château-Renard. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Proposition en direction des enfants à partir de 3 ans. Mais qu'est-ce que j'apprends Vincent? Le loup serait revenu, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors c'est une pièce qui a été écrite par Karine Tabé, adaptée d'un chef-d'œuvre de Geoffroy de Pénard, qui s'est vendu à je ne sais combien de centaines de milliers d'exemplaires, qui est étudié dans toutes les écoles. Et donc oui, effectivement, on commence la pièce chez Monsieur Lapin, et Monsieur Lapin va chercher son journal du soir. Il ouvre le journal et oh, il apprend une nouvelle terrifiante, le loup est revenu. Alors là, il est tout affolé, il a peur, etc. Et d'un coup, on entend toc, toc, toc. On frappe à la porte, qui est-ce? Et là, les spectateurs sont complètement stressés, ils sont complètement en éveil, et ça dure comme ça. Alors, il se trouve que c'est les trois petits cochons qui attendent, en fait, et il va y avoir comme ça d'autres personnages qui vont rentrer. À chaque fois, on joue avec la peur, le public qui veut pas qu'on ouvre la porte, Monsieur Lapin qui dit « mais si, faut ouvrir », le protagoniste de l'autre côté de la porte qui dit « ah là là, mais je vais me faire dévorer par le loup », Monsieur Lapin qui dit « bah on ouvre », et puis les autres protagonistes qui disent « non, on n'ouvre pas », et puis donc on sonde les enfants qui disent « mais si, si, on ouvre », parce qu'en fait, ils connaissent tous le livre, et voilà, c'est une heure vraiment de rire de bon cœur. C'est construit comme un boulevard pour enfants, c'est-à-dire que c'est vraiment avant tout de l'amusement. Alors il y a un vrai fond derrière parce que ça permet de faire une sorte de catharsis et de lutter contre ses peurs. Ce qui peut, parce que évidemment le loup va finir par arriver et on va vaincre le loup parce que l'union fait la force et qu'en fait le loup n'était pas si méchant que ça. Bref, c'est vraiment avant tout une grosse comédie avec énormément de références pour les parents, pour que eux rigolent autant que leurs enfants. Finalement, c'est même les enfants ont plutôt peur et les enfants rigolent plutôt. Mais enfin, ils ont peur, ils aiment avoir peur, ils jouent avec ça. Et voilà, c'est très drôle, c'est très enlevé. Et Geoffroy de Pénard, l'auteur, qui est venu nous voir plusieurs fois et qui revient là ce week-end nous voir, a beaucoup aimé notre adaptation. Ça fait, je crois, la 1200e représentation. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc là, ça se joue vendredi à Château-Renard, et donc on voit Geoffroy de Pénard vient nous voir à Paris, parce que ça se joue aussi samedi à Paris. C'est samedi à Château-Renard, non, c'est pas vendredi. Ah, c'est samedi, ça se joue en même temps. Vous avez raison. Voilà. Excusez-moi. Non, c'est moi pas qui grave. Me trompe complètement. Oui, ça se joue en même temps parce qu'il y a plusieurs équipes, plusieurs décors. Parce qu'on a tellement joué que voilà. On est très très très content de venir ici. C'est un lieu qu'on connaît, dans lequel on a joué plusieurs spectacles et qui nous accueille toujours très très bien. Et on aime beaucoup le public de Château-Renard. Du coup, c'est un vrai plaisir de revenir avec le loup est revenu. Ça va être top ce samedi 21 octobre à 15h, salle de l'Étoile de Château-Renard. Le loup est revenu. Avez-vous, Vincent, et vos amis comédiens et comédiennes, c'est d'avoir à partir de 3 ans, c'est très interactif, très très très sympa. Et puis on va se rendre compte que le loup, finalement, il est gentil. Au final, c'est ça, la morale de l'histoire, elle est importante quand même. Ouais, la morale de l'histoire, c'est surtout que quand on est tous unis, eh ben, on n'a pas à avoir peur. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et puis, merci, très bon spectacle samedi à Château-Renard. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, puisqu'on y est, tiens, le loup est revenu. On vient d'en parler avec l'un des comédiens. Nous avons des invitations à vous offrir pour vous, pour votre conjoint, votre conjointe, vos enfants peut-être. Un passe-famille pour 4 personnes pour ce super spectacle. Et puis, pour préparer vos enfants au spectacle et pour prolonger la représentation aussi, vous pouvez vous rendre dans une des médiathèques du département pour emprunter, pour lire, pour relire. Le loup est revenu, signé Geoffroy de Pénard, dans la section jeunesse de votre médiathèque. Ils sont histoire de s'imprégner un petit peu de l'ambiance du Louis Revenu. Question pour ces invitations pour 4 personnes, 04 90 14 04 04 pour la réponse. Quel est le titre de la célèbre fable de La Fontaine incluant un loup? Le loup et la tortue, le loup et l'agneau ou la grive et le loup, selon vous? Le loup et la tortue, le loup et l'agneau ou la grive et le loup, la célèbre fable de La Fontaine qui inclut un loup. Nous vous attendons et nous vous offrons ces invitations avec grand plaisir. Et vous pourrez dire comme ça, comme Patrick Fiori et Florent Pagny, j'y vais. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas les mers pour embraser les terres de feu. J'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nos pas. Laurent Pagny, Patrick Fiori, j'y vais pour vous accueillir. Mélanie depuis Égalières, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour, à vous. À quel endroit êtes-vous, Mélanie? À Égalières. Oui, et vous êtes sur la route, là? Oui, pour aller voir un petit spectacle avec ma fille. Génial. Le loup est revenu, ça vous inspire? Oui, pas mal. Super. Super. Le titre de la célèbre... Ça lui ferait plaisir. Ben oui. La célèbre fable de La Fontaine, incluant un loup, comment s'appelle-t-elle? Alors, c'est ma fille qui va le dire. Le loup et l'agneau. Bravo, bravo. Quel est ton prénom? Trinette. Comment? Céleste. Ah ben super, bienvenue. Et bravo, bravo, bravo. Grâce à cette bonne réponse, vous allez pouvoir vivre le Loup est revenu en famille, entre amis, deux adultes et deux enfants, un passe-famille que nous sommes très heureux de vous offrir. C'est parfait, on est super contents. Mais génial. Merci. Régalez-vous. Merci. Merci à toutes les deux. Bonne fin de journée. À très vite. Merci, merci beaucoup. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voici Cher avant de retrouver l'actu Strong Enough. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons. Where did you sleep last?

mais qui ont nécessité une évacuation par prévention et l'intervention des mineurs. Les autorités rappellent qu'une fausse alerte est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Mais ce phénomène se multiplie depuis l'attentat d'Arras dans lequel a été tué le professeur Dominique Bernard. Depuis vendredi, la France a relevé son plan Vigipirate au niveau maximal, le niveau alerte attentat. En Vaucluse, la préfète a réuni aussi en début de semaine son groupe d'évaluation départementale pour regarder le fichier des personnes radicalisées, fichier qui compte au moins de 70 personnes dans le département, indique la préfecture. Le festival Insane d'Apt se transforme. Il n'aura plus lieu au mois d'août, mais au mois de mai l'année prochaine, du 8 au 11 mai 2024 précisément. Les organisateurs expliquent qu'il s'agit de s'adapter à la météo et d'éviter les très fortes chaleurs du mois d'août. Mais ce changement intervient aussi après une édition 2023 écourtée. Des agents de sécurité ont été accusés de viol et d'agression sexuelle. De nombreux participants sont plaints également de l'organisation du festival. Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte aujourd'hui. Et ce temps qu'il s'agit de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile, précise le bureau du Premier ministre israélien. Il précise également qu'il n'autorisera aucune autre aide humanitaire à partir de son territoire, et ce tant que les otages du Hamas ne seront pas rendus. La Drôme passe en vigilance orange pluie et inondation dans une heure. Et l'enclave des Papes sera donc concernée, en plus des départements voisins du Gard, de l'Ardèche et de l'Hérault, déjà concernés par cette vigilance orange. Les pluies devraient gagner la vallée du Rhône dans la soirée et la nuit prochaine. Météo France prévoit aussi des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Le service du midi perturbé au Café de France de Lacoste. Aujourd'hui, la friteuse a pris feu vers midi et demi. L'huile est trop montée en température. Les pompiers ont dû intervenir, les patrons du restaurant également. Le service va pouvoir reprendre normalement ce soir. Une Vaucludienne à suivre à la télé ce soir. Elle s'appelle Iris, elle a 24 ans et participe à la compétition Objectif Top Chef sur M6. C'est cette émission qui se déroule toute l'année avec des apprentis ou des amateurs. Et c'est le chef Philippe Etchebest qui sillonne la France pour recruter un ou une jeune qui intégrera ensuite sa brigade dans l'émission Top Chef. Iris est donc avignonnaise, elle est chef de projet dans l'agroalimentaire et passionnée de cuisine. Elle est à suivre sur M6 à partir de 18h30. On ne sait pas encore ce qu'elle va préparer à manger. Non, on ne sait pas encore, je crois pas. Ouais, du salé, bon, du sucré, je sais pas. Ouais, peut-être quelque chose de provençal, ouais, on a des bons plats ici quand même. Ça serait bien. De la ratatouille par exemple. Ouais, pas mal. On a envie de goûter maintenant. Absolument. La météo pour ce soir, il fait un temps à rester cuisiné chez soi, ouais, clairement. Absolument. Très bien. 55 km/h pour le vent. Et puis la pluie, il y en a jusqu'à 10 mm annoncés dans le pays de Sceaux par Météo France. Nous aurons des températures entre 15 et 18 degrés. Demain, jeudi, ciel encombré, des averses qui se déclenchent notamment le matin, avec un maximum de pluie attendu sur le Ventoux et le plateau de la Bure de 50 mm. Le vent qui va souffler jusqu'à 85 km/h pour les rafales. Et les températures demain, c'est du 22 à 25 degrés. On vous retrouve avec plaisir à 18h à Adèle pour un journal complet. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. La météo 100% locale avec la Cove. Découvrez la gare numérique, un ensemble d'espaces partagés pour imaginer, expérimenter et co-construire le futur au cœur du Comtat Venaissin. Info sur garenumérique.fr. Le 16-19, France Bleu Vaucluse, France Bleu Vaucluse. David Perron. Très heureux de vous accompagner jusqu'à 19h du lundi au vendredi sur France Bleu Vaucluse. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en cette fin de journée. Le plaisir d'accueillir à 17h30 pour notre portrait quotidien Laurence Détombe. Elle est présidente de l'association Tambacounda, du nom d'un village africain jumelé avec le joli petit village des Alpes de Haute-Provence, Rayanne. Nous sommes très très écoutés. Elle va venir, Laurence, nous parler un petit peu de ce qu'elle fait au cœur de cette association, du pourquoi de son engagement, et puis d'une superbe expo qui est organisée jusqu'au 2 décembre à Apt autour des enfants de l'école du Sénégal. C'est à la galerie Suette d'Apt jusqu'au 2 décembre et nous en parlons sur France Bleu Vaucluse. Stéphane Echer, notre petit Suisse préféré, Two People in a Room à 17h05 pour vous souhaiter un très bon mercredi. Down to the bone. Leave me all alone. 'Cause a knife is too sharp. A knife is too sharp. Cause I know one day, when they all sing the same sad song for you. One day, when they all sing the same sad song for you, for you. Two people in a room, two pieces of my heart. Tout puis pour les nominés sur France Bleu Vaucluse à 17h08. Merci d'être avec nous. Le 16-19 France Bleu Vaucluse, ici. Ici, on parle d'ici. Et du lundi au vendredi, un petit peu après l'actu de 17h, le plaisir de vous accueillir en direct pour nous, que nous, vous nous racontiez un petit peu comment vous avez vécu un événement gagné grâce à des invitations sur France Bleu Vaucluse. Et c'est Yvonne qui nous rejoint. Bonsoir Yvonne. Bonsoir. Depuis comment sur Durance, quelle voix ensoleillée et lumineuse. Comment ça va? Bonsoir. Un retour assez positif, comme d'habitude. Hein. Je suis rarement déçue quand je joue avec vous. C'est toujours un agréable moment à passer. C'est cool. Un retour sur quoi, du coup, Yvonne? Les tambours du rock. Ah, mais oui. À la Boiserie de Mazan. Très jolie salle de spectacle, d'ailleurs. Très agréable. C'était... Je ne connaissais pas. C'était quoi, les tambours du rock? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu, en fait? En fait, vous m'avez menti. Ah bon? C'est pas mon genre. Vous m'aviez dit, oui, alors ils reprennent certains tubes, dont Indochine. Alors, ils reprennent pas du tout Indochine. Donc, dans le principe, c'est quelqu'un qui adore le rock, donc qui a repris beaucoup de groupes de rock, de la CDC, tout ça, mélangé avec des visuels super intéressants. Ouais. Ils ont fait participer les élèves, parce que je crois que les tambours du rock, le fondateur, il a créé une école, il me semble, sur Pernes-les-Fontaines. Il a beaucoup de jeunes qui se mettent donc à la batterie avec lui. Ce qui fait qu'il y a eu des participants jeunes, moins jeunes, donc beaucoup de ses élèves. Et il y a tout un film qui défile en même temps que les morceaux de musique, donc beaucoup de rock, mais vraiment génial, quoi. Un de ces jeunes qui, là, depuis l'âge de 7 ans, il joue super bien, il s'appelle Pascal, il était impressionnant à la batterie, vraiment, très agréable soirée. Il n'y avait que des tubes internationaux ou il y avait un petit peu des tubes français ? En français, en fait, c'était très drôle. Enfin, il a fait, vous savez, il a parcouru certaines années et on a eu, alors, chose hyper de l'Edith Piaf, de l'Aznavour. En fait, quand il a repris le français, il a repris vraiment mais ça allait des années 40, 50 jusqu'à les années 90 à peu près. Donc, ces années à lui. Et comme il disait, il a fait des mélanges super sur Edith Piaf, par exemple, Aznavour et tout ça. Mais au niveau des groupes français, non, beaucoup de rock. En fait, c'est un fan de rock, il le dit, hein. D'ailleurs, c'est, il disait bien que c'est, aidez-moi, le groupe de rock très connu qui l'a inspiré tout jeune. Donc en fait, super. Genesis, vraiment, par exemple, ça pourrait être Genesis. Oui, voilà, exactement. Génial. C'est vraiment un fan de rock, mais super joué. En plus, même les plus jeunes qui ont joué, ils jouaient super bien. Quoi. On sent vraiment que voilà, tout le monde était passionné en plus de faire ce spectacle. Quoi. Ce qui me fait plaisir, Yvonne, c'est que vous n'avez pas eu Indochine, mais vous avez eu Edith Piaf, voilà, et Aznavour. Ça compense largement quand même. J'ai attendu Indochine, mais je n'ai pas eu. Non, mais en fait, c'était mon imaginaire qui a peut-être un peu trop travaillé. Je me suis dit que ça pouvait être dans l'univers. Non. C'était involontaire, je suis désolé. Même au niveau de... Il mélange, en fait. Il diffuse des images en plus de la musique, donc c'est très, très sympa. Non, franchement, très agréable soirée. Mais c'est top. Merci de votre témoignage, de ce retour. Et puis, on est très heureux de vous avoir permis de vivre un moment de bonheur. Je vous remercie. C'est toujours un agréable moment de participer avec vous et d'avoir le plaisir d'aller à ce type de spectacle. Merci encore. C'est top. Restez fidèles à France Bleu Vaucluse. Merci pour votre bonne humeur, pour votre témoignage. On vous embrasse fort, Yvonne. Merci. Bonne fin de journée à vous aussi. Et la prochaine fois que j'écoute Indochine, je pense à vous, c'est promis. D'accord. Des bisous, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Moi, c'est Christophe Willem. Je tourne en rond sur France Bleu Vaucluse, 17h12. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon nom sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. Dis-moi autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï, et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. La dernière chanson de Christophe Willem sur France Bleu Vaucluse à 17h15 avant de retrouver le France Bleu Collector quotidien. Chaque matin à 8h45, l'invité qui fait du bien de France Bleu Vaucluse partage une bonne nouvelle. Initiative solidaire, action citoyenne, il fait bouger les choses dans notre région. Votre projet ou celui de votre association est utile? Vous avez envie de le faire connaître? Appelez vite le 04 90 14 04 04.

Pour que tu m'aimes encore sur France Bleu Vaucluse dans le France Bleu Collector du jour que vous retrouvez en écoute et en podcast sur l'appli Radio France ICI. Allez, une idée de sortie, tiens, avec Magnolia Forever, un spectacle burlesque et visuel, une création collective qui est jouée demain jeudi à 19h30 à la Fabrique Théâtre Route de Lyon à Avignon pour découvrir un spectacle sur le monde de Yolande, une satire décapante et sensible sur l'aventure d'une nonagénaire qui rentre pour la première fois dans un EHPAD. Vous allez passer un moment avec les pensionnaires des Magnolia et vous allez beaucoup, beaucoup rire. 1h20 de plaisir et de sensibilité à partir de 11 ans. Demain, jeudi 19 octobre, à 19h30, à la Fabrique Théâtre, un passe-favo, route de Lyon, à Avignon, Magnolia Forever, 17h23. Voici The Whispers sur France Bleu Vaucluse, and the beat goes on. Real.

compliqué de traverser parce que c'est un petit peu bloqué de partout. Si vous avez des infos à nous donner, on est preneur. Un accident qui est survenu tout à l'heure et qui implique 3 voitures et qui provoque toutes ces perturbations de circulation, en espérant que l'accident ne soit pas trop grave. La voie rapide de Carpentras sur Avignon est-elle aussi bien chargée? Nous avons l'intramuros de Cavaillon qui est un petit peu long à traverser compte tenu de l'heure. Au niveau de Carpentras, ça va bien. Au niveau d'Orange, ça va bien. Et partout ailleurs, apparemment, pour l'instant, tout est fluide. Pourvu que ça dure, vous n'hésitez pas à nous faire part des infos trafic que vous rencontrez sur vos itinéraires à 04 90 14 04 04. Le 16-19, France Bleu Vaucluse, France Bleu Vaucluse. David Perron. Merci à vous d'écouter France Bleu Vaucluse et de nous rejoindre en cette fin d'après-midi. Vous le savez peut-être, vous le découvrez. Notre portrait quotidien à 17h30, un ou une Vauclusienne qui nous rejoint en studio afin que nous fassions, que vous fassiez un petit peu mieux connaissance avec lui, avec elle, et par rapport à une actualité qui est un prétexte. Le prétexte aujourd'hui, c'est une exposition sur de superbes photos avec des enfants d'une école au Sénégal dans un village qui s'appelle Tambacounda. C'est aussi le nom d'une association Tambacounda dont nous recevons la présidente Laurence Détombe qui va nous parler de son engagement et de son parcours sur France Bleu Vaucluse. Elle arrive dans un instant. Juste après Laurent Voulzy, Bubble Star. Thank you. Jazzy Bubble Star sur France Bleu Vaucluse à 17h36. Le 16-19, France Bleu Vaucluse. Le 16-19. Notre portrait quotidien du lundi au vendredi sur France Bleu Vaucluse à 17h30 à réécouter sur francebleu.fr et sur l'application ICI. Et le grand plaisir d'accueillir ce soir dans le studio Laurence Destombes, présidente de l'association Tambacounda. Bonsoir Laurence et bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Avec grand plaisir, à l'occasion d'une exposition qui est organisée sur Rapt dans la galerie d'un magasin d'optique qui s'appelle le magasin Suette, des photos exposées, des photos d'enfants d'une école du Sénégal qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, nous avons le plaisir d'exposer pendant 2 mois des œuvres à la maison Suette au cœur de la ville d'Apt. Donc nous avons 22 artistes qui présentent leur travail, donc 15 photographes, des peintres et 2 sculpteurs qui nous ont offert des œuvres de tout univers. Voilà, on a beaucoup de diversité dans cette exposition et on a des très beaux cadeaux. Qu'est-ce qui vous anime, Laurence, dans la vie en général ? L'humanisme, la générosité, l'entraide. Être utile aux autres. La profession, l'engagement associatif, tout ça, c'est lié ? Oui, complètement. Ouais. Votre profession, c'est quoi ? Je suis secrétaire médicale à l'hôpital d'Apt. Je m'investis auprès de 22 praticiens. Et votre engagement associatif, c'est quoi ? Mon engagement associatif, c'est avoir une pensée pour des enfants qui sont très loin de nous, qui ont de nombreuses difficultés. Et voilà, et essayer de prendre ma part et inviter d'autres personnes à faire de même. Et voilà, prendre ma part pour que cette communauté de 350 petits-enfants puisse avoir une scolarité correcte et à manger, notamment, au vu des difficultés actuelles. Tambacounda, c'est le nom d'un petit village, ou d'un gros village, je ne sais pas, d'un village en tout cas, c'est sûr, au Sénégal, c'est bien ça ? Oui, Tambacounda est une grande ville isolée à 500 km de Dakar, au milieu d'une terre aride. Donc il s'agit de la région la plus pauvre du Sénégal et la plus chaude. Donc c'est une population qui rencontre beaucoup de difficultés. Et nous sommes très contents de venir en aide à cette collectivité-là. Pourquoi ce lieu en particulier et comment s'est fait la rencontre quelque part entre cette ville du Sénégal et puis le village de Rayane magnifique dans lequel vous vivez? Il n'y avait pas forcément de raison. Comment ça s'est fait? Non, exactement. Le hasard et le destin peut-être. Y a-t-il un hasard? Oui, c'est ça. Je me suis trouvée en vacances en 1999 au Sénégal. J'ai visité l'école maternelle de Tambacounda par hasard. Et voilà, j'ai vraiment tenu à faire un geste solidaire pour cette collectivité, puisque cette école était vide, vide de cahiers, de crayons, de jouets. Et j'ai démarré des petites actions solidaires en envoyant des perles, du papier et des stylos. Et les personnes de mon village ont tenu également à donner un coup de main. Nous nous sommes transformés en association en 2002. Effectivement, nous avons pris de l'ampleur puisque au fur et à mesure des années, nous avons pu faire des puits, des classes, une bibliothèque, des tas de choses que nous n'aurions pas pu faire sans l'association. Les œuvres qui sont exposées à la Galerie Suette à Apt jusqu'au 2 décembre sont-elles en vente ou pas ? Complètement, puisque l'objectif est que les œuvres financent l'aide alimentaire pour 350 petits-enfants de 4 à 6 ans. Et nous espérons également la réfection des murs de l'école qui sont dans un état dangereux. Donc voilà, plus nous vendrons, plus nous viendrons en aide à cette collectivité. Nous continuons, Laurence, à échanger au sujet de votre engagement sur cette association magnifique Tambacounda, juste après Suicide Blonde. Voici In Excess sur France Bleu Vaucluse à 17h40. À tout de suite. Yeah. C'est Suicide Blonde sur France Bleu Vaucluse à 17h44. Le 16-19 France Bleu Vaucluse, ici. Ici, on parle d'ici. Et notre portrait en ce mercredi 18 octobre, celui de Laurence Détombe, présidente de l'association Tambacounda. Avec nous, association Ariane Tambacounda, le nom d'une ville du Sénégal à l'occasion d'une exposition qui est organisée à Apt avec de nombreuses œuvres d'art exposées à la galerie Suette à Apt jusqu'au 2 décembre. Toutes les œuvres seront bien sûr vendues au profit de l'association et pour réaliser de multiples actions auprès de ces enfants qui en ont tant besoin. Pourquoi, Laurence, avoir choisi un engagement, vous, auprès des enfants en particulier? Vous auriez pu vous engager avec une autre cause. Pourquoi les enfants en particulier? Pourquoi les enfants? Je suis très sensible à ces petits-enfants, les miens, mais tous les autres. D'ailleurs, mes enfants me l'ont parfois reproché, d'avoir autant d'intérêt pour tous les enfants. Et je trouve ça important, parce que la relation est simple, généreuse, rieuse, imaginative. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je suis allée à l'école de Rayane parler avec les enfants. Je suis allée à Tambacounda parler avec les enfants des écoles. Et ce qui est beau, c'est que ce sont les mêmes enfants. Ils ont les mêmes questions à poser sur leurs collègues. Ils ont la même curiosité, le même rire. Et ça, c'est très, très beau à voir. Le plaisir est le même, la curiosité est le même, la même. Et je trouve que c'est une source d'espérance. Quel souvenir gardez-vous de votre dernier voyage, vous, Laurence Détombe, à Tambacounda? Alors, seul ou avec des membres de l'association, ou en famille, peu importe, mais le souvenir, l'image qui vous vient en premier quand vous pensez à votre dernier voyage là-bas? Ce qui m'émeut peut-être le plus, c'est parce que je travaille depuis 22 ans pour ces enfants, avec beaucoup de plaisir. Et quand je rentre dans une classe et qu'il y a 70 enfants qui se lèvent tous ensemble et qui vous disent bonjour, c'est extrêmement bouleversant, parce que ce sont des enfants magnifiques, enthousiastes, accueillants. Et voilà, je trouve qu'il y a une espèce de joie de vivre là-bas, qui est vraiment... qui peut être un exemple pour nous. Il y a eu une rencontre entre les enfants de Rayane et les enfants de Tambacounda, déjà? Alors, il y a eu beaucoup de correspondances à certaines époques. Il y a eu des courriers. Ma fille avait une correspondante qu'elle est allée rencontrer avec moi quand elle avait 9 ans, d'ailleurs. Beaucoup de travail d'école à l'époque. Et puis, on a fait venir 3 délégations à Rayane. Nous avons invité 3 fois des délégations d'enseignants. Et nous avons eu la chance d'avoir une enseignante qui est venue avec sa petite fille, Mariama. Donc cette petite fille est allée à l'école à Rayane avec ses collègues. Et bien sûr, ça s'est extrêmement bien passé. Les enfants sont tellement simples et naturels. Et comment a-t-elle réagi avec les paysages de la Haute-Provence si beaux à Rayane que nous avons un petit peu en tête, vous et moi, mais voilà, qu'elle ne connaissait pas? Oui, qu'est-ce que ça lui a inspiré, les cigales, les grillons et tout voilà, ça? Voilà, nos rencontres sont toujours anecdotiques. Moi, j'ai accueilli à la maison la directrice de l'école, Aïssatou, qui est devenue une grande amie. Elle était terrorisée par mon petit chien ridicule, parce que là-bas, on n'a pas de chien dans les maisons. Un ami photographe de Dakar, qui expose d'ailleurs, Monsieur Boubacar Touré Mandemori, grand photographe de Dakar, est venu à Rayane également et nous demandait comment nous pouvions avoir des cheminées dans nos maisons et comment faisions-nous avec cette fumée qui revenait dans nos maisons, puisque bien sûr, ils n'ont aucune idée de la gestion d'une cheminée dans une maison, ce qui est tout à fait normal. Et cette petite Mariama, elle est venue à la fin de l'hiver et nous l'avons emmenée à la montagne de Lure avec sa maman. Et nous les avons emmenées à la neige. Et elles se sont roulées dans la neige alors qu'elles n'étaient pas du tout habillées en fonction. Et elles ont emmené un sac de neige à Rayane en souvenir. Incroyable, magnifique. La question, Laurence, le temps passe malheureusement trop vite. Quelle est finalement votre plus grande satisfaction, alors au cœur de l'association ou en général en 2023? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse? Ce qui me rend le plus heureuse, c'est de, comme je vous disais, de prendre ma part. C'est très important pour moi. Je suis en paix quand je sais que j'ai fait mon maximum, que j'ai pris ma part et que j'ai fait des choses avec d'autres et qu'on a réussi et que nous sommes utiles humainement. Je suis contente. Merci d'être venu nous voir ce soir sur France Bleu Vaucluse. On découvre les œuvres qui ont été dédiées à votre association Tambacounda à la Galerie Suette d'Apt jusqu'au 2 décembre. Elles sont magnifiques et toutes les ventes, tous les bénéfices de ces ventes iront à l'association Tambacounda pour la réalisation de vos projets auprès des enfants. Merci encore, bonne continuation. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 17h49, les portraits sur francebleu.fr et sur ICI pour la réécoute et des invitations pour vous dans un instant sur France Bleu Vaucluse pour aller écouter ce jeudi Katia et Marielle Labec, le duo de piano le plus connu qui nous fait l'honneur d'ouvrir la saison musicale de la Scala Provence à Avignon. France Bleu Vaucluse, vraiment nature. Bonjour, c'est Nathalie Mazet. Demain, avec Gilles Blanc, naturaliste au Conservatoire des Espaces Naturels PACA, nous allons vous inviter à observer la migration du milan royal, un beau rapace qui survole en ce moment le Vaucluse. Vraiment nature, c'est demain à 6h25 et à 16h15 sur France Bleu Vaucluse, la radio préférée des ornithos. Invitation, je le disais à l'instant, pour Katia et Marielle Labec, le duo de piano le plus connu, qui nous fait l'honneur d'ouvrir la saison musicale de cette superbe salle de spectacle La Scala Provence à Avignon. Le concert a lieu ce jeudi 19 octobre à 19h30, au programme Debussy, Ravel et Philippe Glass, avec la création française de Philippe Glass, La Belle et la Bête, dans une version inédite. Les Sœurs Labec, pour vous et avec vous, en concert à La Scala Provence, ce jeudi 19 octobre à 19h30, vous vérifiez vos agendas avant de nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est le 04 90 90 14 0404 et vous nous dites simplement combien de touches comporte un piano selon vous, 77, 88 ou 99. 77, 88 ou 99, le nombre de touches, les blanches et les noires mélangées sur un piano. Et vous avez vos deux invitations pour aller vivre ce sublime concert jeudi soir, demain soir à 19h30 à la Scala Provence d'Avignon avec les Sœurs Labec. Et en vous attendant, on écoute Joseph Kamel, voici Celui qui part. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et moi je serai là si la vie t'emporte, si ton cœur a froid. Si jamais tu cherches un endroit, je serai partout où tu veux. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Je veux le voir. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau. Un dernier au revoir. Joseph Kamel, celui qui part sur France Bleu Vaucluse pour vous accueillir. Isabelle depuis Avignon. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Vous êtes musicienne, je crois. Oui, il paraît. Il paraît. De quel instrument jouez-vous? Flûte traversière. Flûte traversière. Du classique plutôt? Un peu de tout maintenant, mais ça fait un bon moment que je suis un peu une musicienne de salle de bain maintenant, voilà. Mais amenez votre flûte traversière jeudi sur Alaska, là, vous jouerez avec les Sœurs Labec, pourquoi pas? Faire un bœuf, ça serait fantastique. Faire un bœuf à la fin du concert, ça va être sympa. Ça va être sympa. Avec un piano qui a combien de touches, Isabelle? 88. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Deux invitations pour vous, pour ce super concert. Demain soir, 19h30, à la Scala Provence, vous allez vous régaler. Ah ben, écoutez, j'ai pas eu l'occasion de les entendre, je les connais depuis très longtemps, je vous remercie infiniment, France Bleu Vaucluse. Vous avez toujours des superbes cadeaux et des émissions fantastiques, je vous écoute depuis très longtemps. Voilà. Ah, c'est cool, ne changez rien, puis profitez pleinement de ce joli moment demain soir en pensant à nous, Isabelle, et nous on pensera à vous. Avec plaisir, merci infiniment. À bientôt. Pour vous aussi, à bientôt Isabelle, merci à vous. On écoute Dana Dawson, Romantic World, joli souvenir ça qu'on écoute pas tous les jours, mais ça fait du bien. Et puis on retrouve l'actu avec Adèle Bossard et la rédaction de France Bleu Vaucluse en ce mercredi 18 octobre. So you Romantic World d'Anna Dawson, 17h58. L'actu de ce mercredi 18 octobre arrive. Le Vaucluse Express, c'est votre grand rendez-vous jeu sur France Bleu Vaucluse de 11h à midi du lundi au vendredi. Le train s'arrête tous les jours dans une commune vauclusienne. Montez à bord, jouez et gagnez des cadeaux. Cette semaine, à l'occasion du festival Passion Vélo à Avignon du 27 au 29 octobre, gagnez vos passes 3 jours pour 2 personnes et des entrées pour la soirée BMX. Et puis à la fin de la semaine, si vous êtes le meilleur candidat, repartez avec un vélo de ville adulte. Alors tentez votre chance. Le jeu Vaucluse Express, c'est tous les jours de la semaine à 11h sur France Bleu Vaucluse. MMA Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie », à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. « La Nostalvie » de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Vaucluse. Mercredi 18 octobre, France Bleu Vaucluse, 18h. Mètres de pluie attendus cette nuit dans le pays de Sceaux, température entre 15 et 18 degrés, des températures qui montent demain, 22 à 25 degrés, point complet. Juste après votre journal, Adèle Bossard et l'inquiétude d'un Vauclusien franco-palestinien. Karem est installé ici en Vaucluse, mais son père est palestinien et une partie de sa famille est toujours en Cisjordanie. Et au lendemain du bombardement d'un hôpital de la bande de Gaza, il demande aux politiques français de porter enfin une voix forte dans ce conflit pour éviter que la situation ne s'empire encore. Il craint notamment que Gaza soit complètement rayé de la carte. Est-ce qu'on va pouvoir arrêter avant qu'il soit trop tard? Est-ce qu'on va pouvoir remettre les gens autour d'une table? Rien n'est moins sûr, mais c'est vraiment l'inquiétude qui domine là. Oui. En tant que Palestinien, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Israël aille au bout et fasse partir tous les Palestiniens. C'est vraiment la crainte qui habite chaque Palestinien. Alors elle est peut-être irrationnelle, mais c'est quelque chose qui a été vécu il y a des dizaines d'années, en 1948, et qui, je pense, est inscrit dans les gènes de tous les Palestiniens. Donc quand il se passe une chose comme ça, on se dit, ça y est, c'est la suite. L'autre crainte, en tant que peut-être Français aussi, c'est effectivement de voir s'embarquer tout le monde dans ce conflit. Et là, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je ressens cette crainte vraiment au fond de moi, cette double crainte. Karem, franco-palestinien installé ici en Vaucluse. Aujourd'hui, Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, mais uniquement si elle arrive depuis l'Égypte. En France, ce sont les fausses alertes à la bombe qui se multiplient depuis l'attentat d'Arras et la mort du professeur Dominique Bernard vendredi dernier. Aujourd'hui, 11 aéroports ont été évacués après de fausses alertes. Le musée du Louvre à Paris et le château de Versailles également. Ces petits plaisantins qui s'amusent avec ces fausses menaces seront retrouvés et punis, assure le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'Insane Festival d'Apt change de formule. Le festival de musique électronique n'aura plus lieu au mois d'août désormais, mais au mois de mai, du 8 au 11 mai 2024 précisément. Les organisateurs expliquent que ça permettra d'avoir moins chaud qu'en plein été, mais cette décision s'inscrit aussi après une édition 2023 marquée par les accusations de viol et d'agression sexuelle envers deux agents de sécurité du festival. Les gorges du Toulourain sont interdites d'accès jusqu'à nouvel ordre à cause de la vigilance orange, pluie et inondation qui démarre à l'instant à 18h pour la Drôme et donc pour l'enclave des Papes. Le cumul total attendu par Météo France est 250 à 200 mm sur les reliefs des Cévennes. Des pluies sont attendues aussi dans la vallée du Rhône ce soir et dans la nuit. La Première Ministre utilise à nouveau l'article 49.3. Cette fois sur la partie recette du projet de budget pour 2024, article utilisé dans l'après-midi pour faire passer le texte sans vote devant l'Assemblée nationale où Elisabeth Borne n'a pas de majorité absolue. La France insoumise annonce déposer une motion de censure. Le Rassemblement national va déposer une motion de censure également.